si ça crie, ça pleure, ça rit, ça fait du bruit. C'est plein de fleurs, de soleil et de fruits. Je ne pense qu'à vous.